De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous changeons complètement de sujet et surtout de perspective par rapport à la science et à la recherche. Car habituellement, quand on parle de recherche, on pense aux scientifiques dans leur laboratoire qui font leurs recherches pour faire avancer les connaissances et la science. Mais vous, auditeurs, auditrices, qui n'êtes peut-être pas scientifiques, est-ce que vous n'aimeriez pas participer à un projet de recherche? Alors, si c'est le cas, bien, ce sera peut-être possible grâce au programme Engagement, un programme lancé par le scientifique en chef et le Fonds de recherche du Québec. Et pour nous présenter ce programme, eh bien, je suis en compagnie de José Aubin, qui est responsable de programme au Fonds de recherche du Québec. Alors, bonjour, Madame Aubin. Bonjour, Madame Levé. Alors, dites-moi, ce programme Engagement, il porte quand même assez bien son nom, hein. C'est pour que des citoyennes et citoyennes s'engagent dans un projet de recherche avec des scientifiques, mais quel est l'objectif de cet engagement des citoyens dans un programme de recherche? Oui, bon, ben, d'abord, peut-être juste un tout petit peu de contexte sur les sciences citoyennes. En fait, c'est quelque chose qui est une tendance assez mondiale d'inclure de plus en plus la participation de citoyens et de citoyennes dans le processus de recherche, et ça sous diverses formes, que ce soit dans la collecte d'informations, aller jusqu'à la co-construction, puis la co-réalisation d'un projet de recherche. Donc, nous, le programme Engagement du FRQ s'inscrit plutôt dans la forme co-construction, partir d'une question citoyenne, quelque chose qui pique la curiosité des gens ou qui les préoccupe pour les amener à faire un projet de recherche en duo avec un membre de la communauté de recherche. Nos objectifs spécifiques pour engagement, en fait, l'objectif ultime, je vous dirais, c'est le rapprochement sciences et sociétés qui est très important. Mais spécifiquement pour le programme, on veut impliquer des gens qui sont peu ou pas familiers avec la recherche dans une démarche scientifique autour d'une question qui les intéresse. On veut, d'autre part, soutenir aussi le développement de pratiques de sciences participatives par la communauté de recherche. Et en troisième lieu, c'est vraiment l'objectif de promouvoir une culture de démocratisation des connaissances scientifiques au sein de la société québécoise. Donc là, c'est quand même vraiment original dans ce projet de recherche, ce programme de recherche participative, parce que ce ne sont pas des scientifiques qui proposent leur projet et qui cherchent donc des participants dans la communauté pour explorer des données ou quelque chose comme ça, mais là, c'est vraiment une question de recherche qui origine des citoyens. C'est ça quand même l'originalité de ce programme. Oui, tout à fait. Puis je vous dirais que pour connaître un peu, pas tout, mais ce qui se fait ailleurs, c'est assez unique et c'est assez particulier à l'approche qu'on a choisie ici, au Québec. Donc, le point de départ, c'est vraiment la curiosité ou une préoccupation, une question qui préoccupe le citoyen, qui lui tient à cœur, et c'est vraiment un moteur très puissant pour quand on retrouve des intérêts mutuels entre quelqu'un de la communauté et un citoyen de recherche et un citoyen. C'est vraiment très porteur et ça amène une grande valeur ajoutée parce que ça met en relation des savoirs expérientiels, des expériences des personnes avec des savoirs académiques. Et ça, c'est très porteur en termes de génération de nouvelles connaissances et de solutions innovantes qui Oui, peuvent en résulter. effectivement, parce que je me disais, ça doit apporter aux deux côtés, donc aussi bien du côté du citoyen, de la citoyenne qui apporte sa question de recherche, et aux scientifiques qui accueillent cette question de recherche, qui l'a fait sienne finalement. Donc ça, c'est un bénéfice pour les deux. Et c'est peut-être des questions auxquelles les scientifiques n'auraient pas pensé, peut-être. Exactement, c'est des angles ou des ça fait. Et puis ça, on le sait parce qu'on a le témoignage des membres de la communauté de recherche qui participent à ce programme-là. Ça leur permet d'élargir leurs horizons de recherche, d'envisager leur sujet, parce que c'est tout le temps, évidemment, ils s'associent à un citoyen parce que ou une citoyenne parce que la question les intéresse, mais de les élargir, d'élargir les horizons de recherche pour aborder les aspects sous un autre angle. Puis en plus, il y a l'autre avantage, un des autres avantages, parce qu'il y en a plusieurs quand même, c'est que ça donne accès à des terrains de recherche, terrains au sens large, auxquels il n'aurait pas nécessairement eu accès. Je vous donne des exemples particuliers, par exemple des propriétaires de forêts privées Ah oui. qui sont intéressés par la question de l'adaptation de leur forêt au changement climatique. Les chercheurs en foresterie sont très heureux de pouvoir participer à ce type de projet-là pour justement avoir accès à des terrains de jeu, si je peux m'exprimer ici, qui n'auraient pas accès, ou encore pour répondre à des besoins de segments de la population qui sont en situation de vulnérabilité, des intervenantes, on a des projets où des intervenantes préoccupées à savoir quelles sont les meilleures façons de faire, les meilleures approches avec ces personnes-là. C'est le genre de projet aussi que souvent c'est difficile pour un chercheur de la communauté d'aller recruter, entre guillemets, des gens de C'est groupes vrai. marginalisés pour des projets. Donc, il y a vraiment des bénéfices mutuels par Ouais. rapport à ça. Donc ça donne une idée du programme. Et maintenant, comment ça se développe? En fait, comment ça se déroule? Comment ça marche ce programme? Les gens qui seraient intéressés, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour tenter leur chance auprès d'un chercheur? OK. La première des choses à faire, c'est de proposer une question dans le but de former un duo. On a un formulaire et puis j'inviterai ceux qui sont intéressés à taper dans leur moteur de recherche préféré engagement FRQ. Normalement, les pages du programme, entre autres une page qui s'appelle Engagement citoyen-citoyen, Programme engagement citoyenne-citoyen. Là, vous allez accéder à une page web où vous allez pouvoir avoir accès au formulaire où vous nous écrivez à je pourrais donner l'adresse courriel à la fin de la présentation. Et donc, vous proposez une question. Nous, on accompagne les gens dans la démarche pour proposer la question. On la regarde avec eux pour s'assurer que ça a une portée, entre guillemets, scientifique, parce que c'est pas évident de poser une question scientifique. On met la question sur une page web avec la motivation de la personne, pourquoi qu'elle est intéressée à faire un projet de recherche avec un chercheur ou une chercheuse. Et on va aider la personne citoyenne après ça à essayer de trouver un expert ou une experte dans le domaine qui l'intéresse, d'une part. D'autre part, on invite la communauté de recherche aussi à consulter la page des questions pour, et si un sujet qui les intéresse, ils nous écrivent pour nous demander de contacter la personne citoyenne et on les met en relation. Donc, première étape. La question, c'est la première étape à faire. Quand un duo se forme, après ça, il faut qu'ils co-construisent un projet ensemble. Donc, ils travaillent une proposition ensemble qu'ils vont soumettre au concours engagement là, comme tel. Et à partir de là, il va y avoir un comité qui va sélectionner des dossiers et un comité qui va d'experts en fait en sciences citoyennes, etc. Et puis, si le projet est financé, après ça, ça commence par phase. C'est un financement qui fonctionne par phase. On veut laisser le temps aux gens d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble. C'est pas évident d'intégrer un citoyen qui connaît ou une citoyenne qui connaît peu ou pas la recherche dans une démarche scientifique. Donc, on a une phase de démarrage. Ça dure un an. Ça permet aussi, d'une part, en plus d'intégrer la personne citoyenne de l'équipe, ça permet d'autre part au chercheur ou à la chercheuse de se familiariser avec la perspective citoyenne pour répondre à la question. Donc, après un an, si tout se passe bien, il y a une petite rencontre de suivi, et puis là, le duo, puis ça reste toujours au choix du duo, ils peuvent passer à la phase d'action, qui est vraiment la phase de réalisation du projet. Donc, ils vont avoir une année pour mettre en œuvre le plan qu'ils ont développé, qu'ils avaient proposé, puis qu'ils ont continué à développer durant la phase de démarrage. Et puis après ça, c'est vraiment acquérir des connaissances pour répondre à la question citoyenne. Et puis finalement, Et là encore là, c'est toujours au choix du duo. Après cette phase action-là, il y a la phase de partage où on donne l'opportunité, si les gens, le duo le désire, de participer, de mettre en œuvre des événements, des activités, des initiatives pour non seulement parler de ce qu'ils ont acquis comme connaissances et qu'ils ont développé, mais aussi de leur expérience dans le cadre du programme. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle la phase partage. Oui, parce que c'est bien de participer à un projet de recherche, mais ensuite on a peut-être envie de le faire savoir, de regarder, j'ai participé à ce projet de recherche et regarder à quoi on est parvenu. C'est quand même une certaine fierté quand même pour les citoyens, les citoyennes qui participent. Je peux vous le confirmer. D'ailleurs, Ouais. la plupart à peu près tous nos duos qui sont rendus à cette phase-là désirent aller un peu plus loin. Ouais, ah ouais. Et pour nous, puis je reviens un peu sur la question de l'avantage pour une personne, d'avoir un citoyen qui est impliqué ou une citoyenne qui est impliquée dans ce type de démarche-là, c'est que ça devient des gens qui sont des excellents C'est ambassadeur ça. de la science, puis de la démarche scientifique pour combattre auprès non seulement de leur famille, leurs proches, etc., mais aussi des communautés auxquelles ils participent pour porter la science, puis la démarche scientifique, puis contrer la désinformation. Et là, c'est toutes les thématiques qui sont admissibles. Ça peut être, je sais pas, en santé, en environnement, en astrophysique, n'importe quel sujet. Tout azimut, En vraiment tout éducation, je sais azimut, pas. oui. Ouais, ah, Je vous ici. donne quelques exemples. Oui. On a un projet qui porte sur est-ce qu'on peut créer de l'électricité à partir des aurores boréales? Et donc là, il y a un chercheur qui s'est apprivoisé ce sujet-là. Absolument. Puis c'est des simulations en laboratoire à partir de plasma. Je ne saurais pas vous Ouais. expliquer. J'attends qu'ils fassent leur phase partage pour comprendre. Mais ils modélisent tout ça pour voir est-ce que c'est possible. Et si oui, puis le citoyen de son côté va partager les résultats avec astronomes amateurs pour du côté du partage de ça. D'autres projets touchent la santé, bien sûr, santé mentale, par exemple, la santé mentale des jeunes diabétiques qui préoccupent Ouais. une maman qui fait un projet avec une chercheuse de ce côté-là. Des projets qui touchent, par exemple, l'allergie chez les nourrissons, côté santé, des préoccupations sociales sur, par exemple, l'aménagement urbain. On a un projet qui est en cours sur, par exemple, comment mieux aménager, puis ça se passe à Québec, le mobilier urbain dans Saint-Roch, par exemple, pour favoriser la mobilité active chez les gens qui sont en perte d'autonomie Ah, c'est physiquement, entre intéressant, autres, hein. là. Donc, je pourrais vous en donner. On a une quarantaine de projets qui Ah oui. roulent. Puis la répartition, c'est autant, par exemple, du côté des sciences naturelles et génie, environnement, biodiversité, que du côté de la santé, soins de santé, services de santé, qui est bien sûr une grosse préoccupation, ou des préoccupations sociétales en termes d'éducation, par exemple, les enfants autistes, le parcours scolaire des enfants autistes, etc. Ça, c'est quelques exemples, mais vous pouvez voir juste en allant consulter sur les pages web, vous pourrez tomber aussi sur la page où il y a les questions qui sont posées et ça vous donne une idée des thématiques, mais on prend toutes les questions. Il n'y a pas de tri sur des questions. Tous les sujets sont Ouais. d'intérêt Et c'est et intéressant parce qu'on voit qu'il y a des sujets qui sont vraiment ancrés, la terre à terre, sur le milieu, donc ou par des préoccupations bon, quasi personnelles, ou des préoccupations vraiment concrètes de la vie quotidienne des gens. Et qui peut participer en fait? Parce que ça semble quand même assez pointu, puis ensuite c'est une longue démarche avec un chercheur ou une chercheure, donc est-ce qu'il faut avoir des connaissances en sciences pour Pas participer? du tout. Même, je vous dirais, doctorant, s'abstenir. Ouais. Ce qu'on veut, c'est rejoindre des gens qui sont peu ou pas familiers avec la démarche de recherche. C'est un programme qui se veut un programme de culture scientifique. Et donc, l'idée, c'est justement d'initier des personnes non familières avec ou peu familières avec le monde de la recherche à c'est quoi une démarche de recherche. Et les amener amené à comprendre, bon, tout le processus qui est pas très évident. Par exemple, les questions d'approbation éthique dans les projets de recherche, les citoyens et citoyennes ne connaissent pas ce volet-là de ce que c'est quand on fait de la recherche, d'avoir à obtenir une approbation d'un comité d'éthique, etc., etc. Donc, ils sont sensibilisés à beaucoup de choses. L'autre exemple que j'aurais en tête, c'est une citoyenne qui a compris que, par exemple, dans le monde de la publication scientifique, toutes les publications ne sont pas nécessairement égales. Par exemple, les études à partir de métadonnées sont souvent plus scientifiquement solides que des papiers qui sont un peu plus, qui pourraient être un peu moins, disons, moins exact en termes scientifiques. Donc, elle a un regard plus critique maintenant sur la littérature scientifique. Parce que c'est ça, donc les citoyens, citoyennes qui se lancent dans cette aventure-là, j'ose presque appeler ça une aventure, parce que bon, pour des gens qui ne sont pas du milieu scientifique, mettre les pieds dans un milieu universitaire, dans un chercheur, participer à une recherche, c'est quand même, c'est merveilleux finalement. Mais ça implique éventuellement de lire toutes les certaines publications scientifiques pour s'imprégner du sujet. C'est de contribuer, en effet. La démarche, en fait, elle est conjointe entre, puis ils vont participer, par exemple, durant la phase de démarrage, il faut faire une synthèse de connaissances. C'est une des premières étapes. Ils sont impliqués là-dedans. Ils sont intégrés à une équipe de recherche et ils participent à tout ça. Et ça les met au défi, mais ça met aussi au défi les équipes de recherche qui intègrent un citoyen ou une citoyenne parce que, puis j'ai un autre exemple, un chercheur qui a demandé aux membres de son équipe d'expliquer à la citoyenne qui fait un projet sur l'hypnose pour combattre la douleur, comme thérapie pour combattre la douleur, mais qui a mis au défi son équipe d'expliquer les méthodologies qu'ils utilisent en laboratoire, comme l'imagerie confocale, des choses comme ça. Et donc, les équipes sont déstabilisées aussi, mais ça fait partie de la beauté du processus, je vous Mais dirais. c'est intéressant parce que ça oblige à l'équipe de vulgariser leur méthodologie, tout ce qu'ils connaissent déjà. Donc ça implique un certain effort de vulgarisation, ce qui est tout à fait bénéfique pour l'équipe. Exactement, Ça va parce que c'est quelque servir. chose, c'est des compétences, entre guillemets, qu'ils acquièrent, qui vont servir dans n'importe quelle autre circonstance quand ils font des présentations publiques ou des choses comme ça. Éventuellement, dans certains projets de recherche, est-ce que le ou le citoyen, la citoyenne vont être amenés à mener des expériences eux-mêmes? Ça peut arriver. Oui, mais bon, ils sont appuyés, ils sont jamais laissés tout Oui, ils sont pas tout seuls, va faire seuls, l'expérience, c'est sûr. Mais oui, j'ai un exemple de projet sur les algues bleues, les efflorescences de cyanobactéries, où avec le chercheur et la citoyenne, on développait avec l'équipe un petit kit de collecte d'échantillons. Et c'est cette personne-là, citoyenne, qui s'est occupée de former, bien sûr, en support avec l'équipe, d'autres citoyens pour qu'ils contribuent dans le cadre d'un lac, puis éventuellement de d'autres lacs aussi, à collecter les échantillons. Et la citoyenne est aussi impliquée dans l'analyse va se faire en laboratoire, est invitée à participer aux analyses en laboratoire, et elle va participer à l'interprétation des résultats aussi. Donc, c'est vraiment l'intégration total. Quand je vous dis, c'est des projets où c'est un des critères, d'ailleurs, quand on regarde les critères d'évaluation du programme, que la personne citoyenne est intégrée à l'équipe complètement tout le long de la démarche. Mais Et c'est à eux de voir. Oui, excusez, est-ce que c'est je. pas un peu lourd pour l'équipe scientifique? Parce que ça demande quand même un encadrement, un accompagnement. On sait que Oui. ça va prendre du temps quand même. Donc, est-ce que c'est pas un peu lourd pour l'équipe scientifique? C'est lourd, j'en conviens, mais les gens conviennent dans la démarche qu'ils vont faire pour réaliser leur plan. Puis ça dépend aussi du type de plan, du type de recherche. Donc, ils vont convenir de quel est l'investissement de l'un et de l'autre. Et puis oui, mais bon, les fonds accordés servent à supporter, par exemple, du personnel technique ou du personnel professionnel qui accompagne la personne citoyenne. Donc, c'est sûr que la subvention sert à ça, mais oui, il faut prendre le temps Ça demande plus de temps. C'est pour ça, comme je vous disais, qu'on a prévu dans le programme d'avoir une phase où les gens apprennent à travailler ensemble, développent un plan d'action qui convient aux deux. Puis, comme je disais aussi, ça dépend du type de recherche. Il y a quelqu'un qui travaille, par exemple, sur valoriser les feuilles de rhubarbe, qui sont dites toxiques. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose qui pourrait être utile, de les valoriser? Et là, ben évidemment, il y a des périodes lors de la collecte qui impliquent beaucoup de travail, mais par la suite, c'est plus modéré. Fait que là, les gens décident d'une fréquence où se voir, les échéanciers du projet, etc. Et tout ça, c'est co-construit, comme je le disais. Mais est-ce que ça peut aboutir à la publication dans une revue scientifique, d'un article dans une revue scientifique? C'est pas une obligation de Non, mais résultat est-ce au que ça sens peut? propre, mais c'est à notre agréable surprise, ça mène pratiquement toujours à une publication. Oui, Ben, c'est j'imagine la vraiment. fierté des citoyens, des citoyennes qui participent, c'est une immense fierté. Exactement. Oui, non, ça, de ce côté-là, les résultats sont vraiment surprenants. Ça mène beaucoup à amener les gens font, par exemple, le projet sur une durée de 3 ans, puis ils vont vouloir poursuivre en allant chercher d'autres subventions ailleurs Ah pour ouais. continuer à construire sur le projet. Ouais. Et là, bon, vous nous expliquez, Madame Aubin, comment se développe ce produit, tout ce que les chercheurs et les citoyens peuvent en retirer, mais il faut présenter donc une phrase, donner une proposition de recherche. C'est quoi la date limite là? Parce qu'il y a quand même Oui, pas mal de donc choses à faire. oui, Donc, c'est quoi la date exactement. limite? La première des choses, c'est que la date limite pour proposer une question pour une personne citoyenne, c'est le 16 décembre prochain, Ouais, en c'est fin de bientôt, journée. hein? Oui, ça s'en vient. Pour les duos, donc après le 16, on affiche les questions, les duos ont le temps de se former, puis quand la proposition d'un duo qui serait formé puis qui décide, OK, on va travailler ensemble et propose un projet, c'est le 27 février Ah. 2025. OK. Donc, ils vont avoir, on l'espère, un bon mois et demi pour. Il y a des duos qui peuvent se former à l'avance, plus déjà avant même que le concours soit formellement ouvert pour aller déposer une demande. Mais ça laisse, on l'espère, assez de temps pour faire une proposition à quelque part entre le 16 décembre et le 27 février prochain. Donc là, la première étape, c'est de déposer une question avant Oui. le 16 décembre. C'est ça, exactement. Là, rappelez-nous où est-ce qu'on trouve l'information? En tapant dans votre moteur de recherche Programme Engagement FRQ, vous allez voir apparaître entre autres une page qui s'appelle, puis ça devrait sortir dans les 2 ou 3 premières lignes de recherche, Programme Engagement Citoyen. Vous cliquez sur le lien et vous allez aboutir sur la page qu'on appelle notre page citoyenne, qui présente les grandes lignes du programme, les grands points concernant les critères d'admissibilité. Et vous allez avoir aussi un petit endroit pour cliquer pour aller proposer votre question. L'autre chose, vous pouvez aussi nous écrire à le courriel, c'est donc engagement.gds@frq.gouv.qc.ca. Voilà, et donc il reste une semaine pour imaginer une question de recherche et s'inscrire et peut-être avoir la chance de vivre toute cette aventure que vous nous avez décrite, Madame. Oui. Et puis, je rajoute un élément d'information, c'est que sur la page citoyenne auquel je vous réfère, il y a des petits outils pour vous aider à préparer une question. Mais on accompagne les gens. Dès qu'ils ont posé une question, on fait un suivi avec eux. Vous pourrez voir si vous êtes intéressé, si vous allez visiter la page, des outils qui sont mis à votre disposition pour ça. Alors, merci beaucoup, Madame Aubin, de nous avoir présenté ce Merci. programme et qui sait, quelques auditeurs ou auditrices mordront à l'hameçon et vivront Nous cette grande l'espérons, nous aventure. l'espérons. Merci beaucoup à vous. Alors, nous étions avec José Aubin, qui est responsable de programme au Fonds de recherche du Québec.